Les pastilles poétiques sur Fadjet avec Lucas. Bonjour et oui, bonjour chers auditeurs de Radio Fadjet et surtout bienvenue. Et oui, bienvenue pour cette nouvelle respiration dans la grille des programmes de votre radio préférée aux accents nancéens. Laissez-moi me présenter à vous. Je me nomme Lucas. Que pouvoir vous dire que le timbre de ma voix ne vous révélera pas déjà? Eh bien, je me dirais une âme virevoltant entre les sagacités de la liberté qui s'affirment et l'étrangeté des questions qui nous forment. Il m'est venu l'idée saugrenue, peut-être, mais diablement décisive, de venir vous parler sur Fadjet de poésie. Quoi? Va-t-on encore nous parler de cette vieille poésie de Victor Hugo, ou bien encore celle de Ronsard, qu'il nous fallait apprendre telle une rengaine et que l'on ne retrouve plus ni par les mots ni par l'odeur dans nos vies dissolues qui vont, hélas, toujours trop vite? Non, qu'on se le dise, l'objectif n'est pas là. L'objectif n'est pas la triste réminiscence, mais le doux rappel. L'audace est dans la révélation des parfums qu'on n'estime pas encore assez. Alors pourquoi vous parler davantage de poésie sur Fadjet? Eh bien parce que cette entité qu'on aurait tendance à ne réserver qu'aux rêveurs assidus et aux vaillants parcoureurs de lune peut nous sauver. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un poète, Jean-Pierre Siméon, qui disait « La poésie sauvera le monde ». Mais j'ai envie avec vous, pour vous, grâce à vous, d'être plus culotté encore et d'oser dire « La poésie sauvera nos mondes ». Oui, nos mondes, vous savez, ces petites bulles dans lesquelles nous nous réfugions, comme de petites bribes d'un espace propice au calme, au repos et à la douce contemplation des choses qui nous font du bien. En tout cas, la poésie a sauvé le mien et il me fallait presque instinctivement venir vous en parler. Comme d'autres confidents de la rime versifiée et de la prose héroïque que l'existence vient malicieusement m'offrir. Alors, si l'on va parler de Victor Hugo et d'autres ronsards, comment ne pas subir une énième récitation de vers qui nous hante ou nous habite? Eh bien, saisir, par leur musicalité et leur sens, une dimension plus humaine, plus sensible, qui vient témoigner de nous. Oui, ce nous tous ensemble, et ce nous tout seul aussi qui rame dans les flots déchaînés de l'obscure méconnaissance. Ce nous parfois fracturé que l'on vient sur les ondes radio bravement raccommoder. Celui que l'on vient assister lorsqu'il saigne. Celui que l'on vient bercer lorsqu'il pleure. Celui que l'on vient aimer quand il sourit. Vous parler de poésie, mes chers auditeurs, c'est faire le pari osé de croire encore que la poésie peut cimenter nos esprits et faire s'enlacer nos cœurs. Que cette étrange poésie peut témoigner sur nous, de nous, et dans l'ambition d'être ensemble. Ensemble avec soi ou ensemble avec les autres. Joachim du Bellay, depuis ses regrets du XVIe, vous aurait chuchoté. Vous dites « les poètes sont fous et dites vérité », mais aussi « dire j'ose que tel que vous soyez, vous tenez quelque chose de cette douce humeur qui est commune à tous ». Oui, mes chers auditeurs, commune à tous. Mais qu'est-ce donc que cette humeur dont il parle? C'est sans doute, outre le sens premier qu'il a voulu lui donner, le lien qui se crée entre nous de nos associations profitables et de nos heureuses retrouvailles. Une entité, une petite luciole qui nous rapproche et fait de chacun de nous des témoins de l'humaine vérité. Et que vous soyez, comme moi, poète ou pas, rien n'empêche cette lumineuse fugace de témoigner sur nous et plus généralement sur l'homme. Raison pour laquelle, mes chers camarades, vous écoutez, chapitré par ma voix, ma première pastille poétique. Que la voix ne vous trompe pas, chevaliers audacieux, laissez-moi vous appeler poétique. P-O-E-T-H-I-Q-U-E. Comme cette morale, comme ce sens philosophe de se questionner sur le monde et sur notre condition. Car c'est aussi cela la poésie, dire et au-delà du dire, témoigner. Laisser une empreinte comme celle de l'homme, voire même celle de l'homme, carrément, que l'on bonifie à s'aimer et à se rassembler. Et voilà la vocation de mes pastilles chroniquées, vous parler librement de poésie, d'un poète, d'une poétesse, d'un fait poétique, et d'en profiter pour vous chanter un peu ce que cette drôle d'entité va pouvoir dire sur nous et pourquoi pas sur ce que nous sommes. Mais il est temps de savourer une pause en musique, je vous retrouve après Souchon et la balade de Jim. Et oui, Jimmy est fort, mais pleure sur le cuir de sa Chrysler. Et vous, mes chers auditeurs, comment vous sentez-vous? Où que vous soyez, au volant, saisissant l'occasion de klaxonner un fou du volant dans un plaid emmitouflé, ou faites-vous comme Jim, tournez-vous en rond. Qu'on se rassure, tourner en rond n'est pas forcément signe d'un éternel recommencement dans la perte profonde de ses pensées ou de ses actions. Eh bien, après tout, ne parle-t-on pas de cercle poétique? N'a-t-on jamais eu l'impression, chers amis, de tourner en rond, à taper sur un clavier que la poussière vient hanter, à saisir des lignes de compte ou dans le creux le plus sensible d'une relation amoureuse, par exemple? À ce moment précis où l'on en vient à être hanté par on ne sait quelle haine qui nous pousse à nous défaire d'une condition qui nous meurtrit, la même dont il faut se méfier avant qu'elle nous dévaste. Alfred de Musset vous aurait répondu « Tu dis vrai ». La haine est impie et c'est un frisson plein d'horreur quand cette vipère assoupie se déroule dans notre cœur. Voilà par exemple une belle leçon, un prime apprentissage que viennent nous susurrer les vers. Et oui, en plein milieu de cette folle actualité qui ne s'arrête jamais et qui nous emmène dans ce tourbillon infernal qui esquisse d'autres torrents de division, il faut laisser cette haine et se consacrer à d'autres choses. Sacré des films, direz-vous, chers amis, oui, oui, mais quand on y réfléchit, n'est-ce pas par cette étrange action que nous finissons, sans qu'il n'y paraisse rien, de tourner en rond? Ah! Mais si l'on en finit avec les ronds, que pouvons-nous faire? D'autres formes géométriques? Non, mais on peut, par exemple, leur ajouter un E et faire des rondes. Je n'ai jamais eu toute l'importance du féminin. Ces petites bribes infantiles où tout le monde s'unissait ensemble comme pour jouer sans se demander quel pouvait être celui ou celle qui était à notre gauche ou à notre droite. Il y avait là quelques trésors d'innocence qui venaient parler instinctivement de notre humanité dans ces rondes. Et oui, l'humanité résiderait, qui sait, dans une enfance qu'on aurait tendance aujourd'hui à laisser s'échapper au profit d'une désillusion que les rides viennent ancrer dans une conscience abattue. Et là, je m'en vais citer quelques vers que j'avais écrits pour célébrer cette même entité que la naïveté vient honorer. Tu devras passer. Savoure-les et souviens-toi des arbres qui bourgeonnent et des bébés qui, pour marcher, tombent et retombent sans cesse. Nous sommes tous des enfants. Ces mystérieuses lucioles qui découvrent. Nous apprenons sans cesse à vivre sur une terre qui demeure inconnue. La nôtre. Il nous faut la peupler de visages souriants, ces fébriles soleils qui revigorent dans la plus saillante obscurité. Apprenons ensemble à cultiver le désir d'être et le bonheur d'aimer. Voilà, en d'autres termes, le pouvoir de l'enfance. Savoir, même adulte, qu'un jour, on a été enfant. Et essayer, les jours sombres, de s'en souvenir. Gérard de Nerval, brillant romantique ombragé, aurait dit... Qu'ils étaient doux ces jours de mon enfance où, toujours gai, sans soucis, sans chagrin, je coulais ma douce existence sans songer au lendemain. Que me servait que tant de connaissances à mon esprit vint se donner l'essor? On n'a pas besoin des sciences lorsque l'on vit dans l'âge d'or. Mon cœur encore tendre et novice ne connaissait pas la noirceur de la vie en cueillant les fleurs. Je n'en sentais pas les épines et mes caresses enfantines étaient pures et sans aigreur. À la moitié du 19e, l'on adressait un procès de mièvrerie au romantisme, un procès décevant et certainement pas au fait de la puissance de feu de ce mouvement qui exaltait des idéaux de liberté et surtout de sentiments. Ces sentiments sans lesquels la vie nous paraîtrait bien fade, comme s'il manquait inéluctablement quelque chose de transcendant. La belle nostalgie est le retour presque indéniable vers ce passé qu'on contemple avec des yeux désireux, le transformant parfois, le regrettant toujours. Cette construction d'un temps que l'on croyait en tout cas plus grand, plus immense, plus majestueux. Voici quelques premiers mots, chers auditeurs, quelques premiers mots qu'il me fallait vous susurrer. Voici aussi que défilent devant vous les phrases d'un esprit vadrouilleur, mais qui ne chemine que vers les idées des rêves. L'occasion de vous parler une première fois d'un peu des poésies qui m'ont touché, des mots un peu maladroitement posés sur des mots, des défilés de petites gloires dans un esprit candide et musard. Ce musard même que défendait promptement le grand Edmond Rostand, mon poète de cœur et de panache, dont je vous parlerai bien un jour. En attendant notre prochaine rencontre sur les ondes de Fadjet 94.2 FM, il me tarde d'aller retrouver les songes. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin.